Voilà, c'était cette semaine avec Joke et ce soir encore entre 20 et 21. Et puis la magie aussi, c'est que dans quelques minutes, tu seras sur scène à Nantes au festival Hip Hop Session. Des bails de téléportation, tout ça. C'est incroyable. Incroyable ce que tu peux faire. On a des trucs de fou dans nos manches. Bon, accueillons tout de suite l'invité qui est là, je le disais, avec 24 heures de retard, qui nous a fait non pas le coup du patron, mais le coup du lapin hier. Dans l'émission. Dossé, comment va? Très bien, et toi? Ouais, c'est compliqué pour arriver jusqu'ici, hein, quand on vient du 45. Ouais, je me suis pété les bouchons du périph, là, c'était compliqué. Bon, bah, bienvenue en tout cas. Merci, merci, merci. C'est le Planète Rap avec toi. Ouais. Avec Joke aussi. Joke Kizzy. Quelqu'un que bah, vous connaissez bien tous les deux. Ouais, bah. Affinité musicale. Ouais, aussi, on connaît pas mal, ouais. C'est cool. Et puis tu seras aussi donc présent, on l'a dit, avec le morceau le coup du patron. Tu trompes. Ouais. Avec Gradure, hein, ce morceau que tu as balancé il y a déjà quelques semaines de cela. Ouais, voilà, qui a bien tourné, les gens ont apprécié, donc c'est cool. L'album, il nous a dit, c'était hier, Joe, qu'il a écouté. Hein, il a écouté pas mal de morceaux, hein, de Perestroika. Perestroika. Ça sort le 16 mars, faut pas oublier les gens. Qui arrive le 16 mars. Ouais, le 16 mars, ouais. Bon, t'es content, toi? Tout va bien? Très, très, très, très ouais. Content. Ouais, c'est cool. Il y a le clip qui arrive lundi aussi, là. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah lundi, il y a l'extrait avec Caris, qui s'appelle Bouteille et Glock. Sale. Voilà, je dis ça parce que c'est un bail un peu traumatisant, là. Ouais, c'est pas mal. Je pense que les gens vont apprécier. Il sera sur ton projet, hein, celui-ci. Exactement, tout ça, c'est tiré du projet. D'accord, donc il y a encore plein de morceaux à découvrir. T'en as balancé pas mal déjà, hein. Ouais, là ce sera le cinquième, il me semble. Le cinquième et dernier, de toute façon. Ah oui, ça charbonne bien. C'est déjà pas mal. Ouais, bah écoute, faut donner aux gens, tu vois. En attendant. Donc le 16 mars, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Exactement. Avec toi, Dossé, t'es notre invité ce soir entre 20 et 21. Est-ce qu'on aura le droit à un live ce soir avec vous, On aura droit à Miley. Y'a pas de problème. On va voir Miley. Très bien, Miley. Miley ce soir. Pas de problème. Peut-être le new shit. Et alors on en est où sur ce new shit qu'on annonce? Un petit bail, pas mixé encore, mais tranquille. Donc ça c'est quoi? C'est un extrait de l'album qui arrive? Non, je sais même pas. Même pas. Je sais même pas. C'est un bail qui traînait. C'est qui est pas mal du tout. Et bon, on pourra découvrir au moins un extrait tout à l'heure sur Skyrock. Et comme chaque soir, on débute avec le morceau Casino. C'est parti. Qui sont à l'arrière. J'arrête ton permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chat quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences, parce que les gens pensent ma main. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider, mais c'est mourir par mienne. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroules sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. Je vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Monga, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On rend folle les petites tasses, on leur efface une case. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma main. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Les néons explosent dans tes iris. J'érisse les poils de chat de ces féministes. Tu sais que l'ancien dernier de la classe peut avoir une paye de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes hanches, j'ai l'imagination de Luc Besson. Me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur, ramène ta team, baby. J'ai pas de Cadillac, je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom, on cruise comme Compton. On gagne du temps, juste amène-moi où tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Ah. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Non. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. Hashtag joke sur Skyrock. C'était fini de rigoler. Déjà entêté. Abattoir par deux dans toute la France. Père Negou. Fred, faut qu'on s'organise pour ce new shit. Casino à l'instant, c'est extrait de Ateyaba avec Joke, notre invité. Qu'est-ce qui se passe, Joke? Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour le new shit. Là. Alors, le nouvel extrait. Le nouvel extrait. Pour avoir le nouvel extrait, je veux un new shit. En TT sur Twitter. Donc faut bombarder hashtag new shit de joke. C'est ça. Hashtag new shit et hashtag joke sur Skyrock. Allez-y. Donc s'il y a un des deux qui est en TT, tu balanceras au moins un extrait de ce morceau. Petit, qui s'appelle extrait. Comment ce morceau? Je sais même pas comment il s'appelle. Ah, il a pas de nom pour l'instant. C'est ça. D'accord. New shit. Voilà. Bah, donc pour ce morceau, allez-y, vous balancez, vous bombardez avec l'hashtag joke sur Skyrock ou alors new shit de joke. 41759 aussi avec tous vos messages et peut-être donc un extrait au moment du live avec Dossé qui est là. C'est ça. On fait la question aussi du pack casino pour repartir avec l'album, le vinyle collector, la casquette Ateyaba, le poster dédicacé, les places de concert et 50€ en bon d'achat. C'est ça. Donc la question n'est pas très facile, mais les vrais ils prouveront. C'est quelle était la date du concert à la Maroquinerie? C'est en 2012. Ah oui. Ok. Donc si vous avez la date, la Maroquinerie, c'est un bon souvenir? Très bon souvenir. C'est vrai? C'était le premier vrai concert que je faisais et c'était une dinguerie. Donc si vous y étiez ou si vous avez la date, vous la balancez maintenant avec votre prénom, numéro de téléphone et vous repartez avec le pack casino. Est-ce qu'il y a un petit bonus dans le pack casino? Il y a soirée avec Bups. Azora n'est plus dans les bails. Dossé, non, Azura, il est mort. Dossé, t'es chaud. Non. Tu veux pas mouiller Dossé? Regarde. Non. Dans ton histoire, Dossé, tu as peut-être la réponse. Tu te souviens de la Maroquinerie ou pas? Non, pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Non. Ouais, soirée avec Bips. Soirée avec Bips. En bonus. Okay. Bips, ça va toi? Ça va. T'as des forces toi? Ça va, j'ai des forces. En cette fin de semaine, c'est bien. Tranquille. Avant de repartir aussi en tournée, on le disait ce soir, c'est à Nantes, demain Aulnay, c'est déjà blindé Aulnay. Hein. C'est ça. Fini. Le 19 février à Reims, le 21 février à Magny-le-Hongle, le 27 à Mulhouse, le 28 à Metz, 13 mars à Ris-Orangis, le 14 mars à Vannes, le 21 au Canada, à Montréal. Tu y étais toi, Dossé, ou pas Canada? T'as fait le Canada? Non, pas du tout. Non. Ah, t'as pas fait non plus? Non, même pas. Oh, moi, on m'invite nulle part, moi. C'est fou, ça. Ah, c'est ouf. Hein. Bon, faut attendre la sortie de Perestroïka. On donne des gros couplets comme ça. Et pas d'invitation au Canada? Non, même pas. Oh, ça va venir. 27 mars à Sannois, le 28 mars au Festival Chorus de Nanterre, le 2 avril à L'Empreinte, le 3 à Savigny-le-Temple, le 3 avril à Morlaix, le 29 au Printemps de Bourges, le 5 mai à Lille, le 30 mai à Toulouse aussi. Pour retrouver Joke près de chez vous. Et d'autres dates qui arrivent. Et d'autres dates d'aussi. Il y a des dates de prévues aussi pour toi ou... Ouais, il y a une tournée qui est en train de se mettre en place. Mmh. Je pense que ça va commencer vers le mois de mai. Donc, il y en a une normalement avec Joke et Alonso à Lille. Ah, bah alors attends, c'est celle-ci, c'est l'aéronef le 5 mai peut-être. Ouais, il me semble. Ouais, c'est voilà. Ça. Tu viens pas ce soir là à Nantes? Ah,

Perestroïka le 16 mars, oubliez pas. Brrr, coup du patron, dos c'est la famille. Du patron à l'instant. Ouais, c'est ouais. Sur l'album de Dossé qui s'apprête à sortir là d'ici. Le 16 mars. Ouais, le 16 mars. Faut encore patienter un petit peu. Ouais, mais ce sera en précommande dès lundi. En fait, en même temps que la sortie de l'extrait, eh ben, on peut précommander. Tu le balances quand l'extrait? C'est lundi. À quelle heure? C'est à 18h. 18h? Ouais. Non? Ah non. Ou mardi, non. C'est tenu secret pour l'instant? Ah, c'est à 20h. Ah, c'est à 20h. Ok. Mais le truc sera en précommande dès minuit, non? Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah, une heure, ouais. Lundi matin, 1h du mat, sans précommande. C'est-à-dire, bousiller ça fort. Allez cliquer pour récupérer Perestroïka. Tu as écouté Joke en partie? J'ai écouté beaucoup de morceaux. Beaucoup de morceaux. Beaucoup de salles. Mmh. Beaucoup de salles. Et on retrouvera donc ce morceau avec Gradure à tes côtés, à vos côtés d'ailleurs, sur ce morceau, le coup du patron. Dans quelques minutes, on va revenir. Un petit point sur la question, ça se bataille dur pour la bonne réponse. On dirait que c'est un peu compliqué. Ah non, il y en a quelques-unes qui sont passées. Il y a des gens qui étaient quand même aussi à la maroquinerie, qu'on a vu. C'était en 2012. 2012, donc la question c'est quelle est la date du concert à la maroquinerie en 2012? Réponse dans un instant, ne bougez pas, sur Planète Rap. Le Planète Rap de Joke revient juste après ça. Ladies and gentlemen, Planet Rap. T'es prêt ou quoi? Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Joke sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Joke pour la tournée de Joke qui a repris là depuis la semaine dernière. Et demain c'est du côté d'Aulnay, le 19 février à Reims, le 21 février à Magny-Longre, le 27 à Mulhouse, le 28 février à Metz, 13 mars à Ris-Orangis, le 14 à Vannes, le 21 mars au Canada, le 27 mars à Sannois, le 28 mars à Nanterre au Festival Chorus, le 2 avril à Savigny Temple, 3 avril à Morlaix, 29 avril Printemps de Bourges, le 5 mai à Lille et 30 mai c'est du côté de Toulouse. Ça, ce soir à Nantes, faut que ça soit très très sale. Pour retrouver Joke près de chez vous, peut-être ouais, aussi une tournée, tu me disais, Dossé qui se prépare. Ouais, exactement. Ouais. Mais ce qui paraît déjà, on m'a dit dans mon oreillette ouais. Que même chez toi, dans ta ville à Orléans, c'est pas possible de monter un concert de rap. C'est quoi cette histoire? Ouais, bah apparemment c'est compliqué, tu vois. C'est quoi la salle déjà? Alors, attends, une salle qui s'appelle l'Astrolab, ouais. Hein, qui est un peu la salle principale d'Orléans, hormis le Zénith, tu vois. C'est la seule salle de concert, enfin la seule ouais. Salle de concert avec une vraie configuration et tout, tu vois. Et je sais pas, bah apparemment ils refusent qu'un des artistes principaux de la ville se produise là-bas, tu vois. Mais c'est quoi les raisons? C'est je sais pas, apparemment ils veulent pas de rap dans leur salle, je sais pas, tu vois. Ils font des concerts de punk hardcore. mais le rap, apparemment, ça pose un peu problème, donc je sais pas. Hein. Allô, l'Astrolab. Allô, l'Astrolab. L'Astrolab, le message est passé. Écoute, on espère que ça va se débloquer. Ouais, espérons. Hein. Nous, en tout cas, on va se battre pour. Tu vois on quitte à faire le concert devant la salle. Hein. Bah, ah ouais, en plein air, frère. Mais tu sais, on m'a raconté parfois, il y a certains artistes arrivés comme ça qui ouais, peuvent pas avoir ça, accès à une salle. Concert sauvage. Quelques jours après, la salle s'est libérée. Mystique. Ça nous est arrivé. Donc on sait jamais. Écoute, à l'Astrolab, peut-être. Hein, peut-être que t'auras un coup de fil. Espérons. Ce soir ou lundi? Non, un coup de fil de l'hôpital. Qui sait? L'Astrolab, alors faut vous réveiller les gars, un petit peu de rap justement. Bah, c'est bien en plus pour la jeunesse orléanaise. Bien sûr que c'est bien, bien sûr. Il y a tellement pas de. Mais il y a une scène rap en plus à Orléans. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est bien, bien sûr. Bah, déjà sur mon projet, j'ai invité deux des artistes de là-bas, Pepelos et McCoy, qui sont des gars forts à moi, tu vois. Et voilà, bien sûr. Et il y a plein d'autres gens encore. Aguib, Bissour, plein d'autres gens. D'ailleurs, grosse dédicace à Orléans. 45. Toujours étonné ces histoires, même encore maintenant en 2015, tu dis c'est compliqué même pour le rap d'avoir accès à des salles de concert. Ouais. Bon, c'est les vieux qui tiennent les bails, pour ça. Et bah le message est passé, l'Astrolab, allo. Dossé, il est de chez vous et tout va bien se passer, ce sera un bon moment. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils se disent. Voilà. Regardez là, il est bien dans le studio, tout va bien. Il y aura une sorte de concert dans un instant, au moins un morceau, vous ferez Miley. Yes. D'ici quelques minutes. Et là, il est grand temps de répondre à la question pour repartir avec le pack, l'album vinyle, casquette à Tayaba, le poster dédicacé, deux places de concert et 50 euros en bon d'achat. La question, c'était la maroquinerie en 2012, mais quand? C'est ça, quelle date? Alors, Joke, réponse? c'est le 21 décembre 2012. 21 décembre 2012, on filera dans un instant le nom du gagnant qui repartira avec, avec tous ses cadeaux. On met un morceau d'Ateyaba ? Vas-y, on balance ça, qu'est-ce qu'on peut envoyer Ateyaba ? Vas-y, Ateyaba. Allez, c'est parti. C'est un morceau assez spécial. Tendez l'oreille. Descendant des enfants de la vallée du Nil, les hiéroglyphes ont su naître par ses pupilles. Privé d'histoire, mes racines n'ont pas de racines. J'écris ça, je pense au tchouk dans la calebasse. Les côtes d'Afrique ont vu partir leurs enfants. C'est l'océan qui a bercé leurs enfants. C'est l'océan qui a englouti leurs enfants. Les vagues fouettaient les flammes et qui fouettaient leurs enfants. Dis-moi, l'argent de la France est extrait de l'or jaune des noirs. De l'or noir des noirs. Mon Dieu, parlez-moi. Mon Dieu, parlez-leur. Dites-leur ce que ce pays est allé semer dans les cœurs. Violer nos mères devant nos pères, soi-disant bienfaiteurs. Si ton son coule, tu coopères. Marqué dans l'âme et dans la chair, plus rien à faire des pleurs. Si le paradis est dans le ciel, l'enfer est sur terre. Les deux ressemblent à s'y méprendre à un champ de coton. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba était en première ligne. Il s'est battu pour la France. A enlevé des vies pour la France. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba était en première ligne. Il s'est battu pour la France. A enlevé des vies pour la France. Descendant des enfants de la vallée du Nil, quelque part sur la terre ou loin sur une île. On veut nous faire croire qu'on n'est pas légitime ici. Ici faut s'intégrer, ici c'est difficile. Mais le son de mes ancêtres est intégré dans votre sol. Les ressources de la terre mère qui les consomme. Les mères d'enfants tués par la France qui les console. Les soi-disant dirigeants d'Afrique qui les contrôlent. En cours, j'ai appris une histoire fictive. Une histoire où les dettes doivent être payées par les victimes. Tous ces mensonges créent des racistes ignorants qui savent pas que leur pays a été bâti sur notre sang. Aujourd'hui les noirs sont détestés par des noirs. Des noirs tuent des noirs pour prendre la place d'autres noirs. Certains pays d'Afrique sont juste des départements. Le général de Gaulle connaît aussi ces débarquements. Mais Renoir, renseignez-vous, aidez-vous. Nous sommes les seuls qui avons pas le droit de se serrer les coudes. Si le paradis est sur terre, l'enfer est sous terre. On les trouve tous les deux près des diamants. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba était en première ligne. Il s'est battu pour la France. A enlevé des vies pour la France. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba était en première ligne. Il s'est battu pour la France. A enlevé des vies pour la France. Descendant des enfants de la vallée du Nil. Pas descendant d'esclaves mais des pyramides. J'ai des pendus dans mon arbre généalogique. Des cousins d'Amérique, des Jay-Z et des Malcolm X. Je vous le dis, notre futur sera radieux. Nous avons grandi ici grâce à Dieu. Gloire à lui car ici c'est chez nous. Nos parents l'ont acheté dans le sang en encaissant les coups. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba tour par deux pour la France. Dans toute la France. A enlevé des vies pour la France. Ateyaba était en première ligne. Ateyaba était en première ligne. Il s'est battu. Dédicace à mon négro Arnaud du Burkina Faso. A enlevé des vies pour la France. Dédicace à Pamela, Elvis, à Lomé, Tony. Je l'adab. Dédicace à mon cousin Régis à Bordeaux. Ateyaba à l'instant. C'est un morceau important aussi de cet album, hein, celui-ci, Joke. Pour moi, c'est. Morceau un peu plus sérieux. C'est le morceau principal pour moi de l'album, tu vois. C'est... Après, c'est pas le morceau qui représente l'album, ouais. On va dire, tu vois, parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment le morceau qui me tient le plus à cœur dedans, quoi. Donc, morceau avec voilà, un peu plus de profondeur ou ça plus vient. De profondeur. J'ai dit ce que j'avais à dire, quoi. Et dis ce que j'avais à dire. Toi aussi, il y aura aussi des morceaux comme ça sur l'album des... Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y aura des petits trucs où les gens pourront un peu plus me découvrir, tu vois. Il y a du boum boum et du bam bam. Il y a du boum boum et bam bam. Voilà. C'est dès le 16 mars pour Perestroïka. Yeah. Et Joe qui est avec nous entre 20 et 21, on accueille tout de suite. C'est Litige de Noisy-le-Sec. Salut Litige. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Au calme. Ouais, ça va, tranquille. Eh ben, je te présente Joe, qui a Dossé qui est là aussi avec nous. Ah ouais, c'est. Salut mon pote. Ouais, ça va encore? Tranquillos. Tranquille, ouais, tu fais du beau son, j'aime bien mon gars. Ouais, merci mon pote. Bon, toi Litige, tu vas nous faire un gros freestyle pour conclure la semaine, c'est parti? Ouais, bah ouais. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, ouais. Ok. Maman mia. Mamma mia. Envoie ça mon négro. Ouais. Écoute. We have to sell a fantasy. We have to make them feel like they're special and different. And make them, you know, want to come back and stuff. And I think that's the worst thing. Like, I'm not a selfish bitch. I got a PA and I'm running a fucking company. You know, I'm using it when I want this. I'm making my money. I'm making my money. I'm making my money. Bang, bang, bang, bang, bang. La fiche, la odie, les condés, la conduit. Bandit, le lâcheur, bandit, le bandit. Ah, coupe un peu, coupe un peu, je ne vois plus dire. Coupe un peu, de la bonne, le bandit, le bandit. Alors, j'écris, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, arrête, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, fini, fini, fini, magie. Magie, le feu c'est pourri, le sol c'est donné, croyant c'est parti, prêt pour de la folie, appel c'est une folie, j'ai mis la cagoule et le gant, les mains sur le volant, j'arrive à faire, je le rentre dedans. Ok, Litige, Litige, Litige, je suis désolé mais on n'entend pas grand chose en fait. C'est un peu compliqué. Ah ouais, ouais, c'est un peu. On dirait que tu as mis un truc sur le combiné. On n'entend pas. Donc je préfère que à la limite tu reviennes rapper une prochaine fois. On te remercie. On peut te retrouver sur le net. Il y a des endroits où on peut te retrouver justement pour te suivre. Ouais, mais, bah ouais. Mais là c'était un peu compliqué pour t'entendre. Ah ouais. Ouais. Donc vas-y, balance les adresses. Balance les adresses, Litige. Vas-y, c'est LTG Facebook ou GRD. Tu vois, même là, on a du mal à comprendre. On a du mal, ouais, franchement. Ah ouais, on a du mal à... Bah, attends, ah ouais. on va te repasser en antenne. Merci Litige d'avoir été avec nous, en tout cas par téléphone dans le Planète Rap entre 20 et 21. Yep. Avec Joke en direct de Noisy-le-Sec sur Skyrock. Avant de passer au live, messieurs. Yep. Est-ce qu'on mettrait pas un morceau? Un petit saut mort, là. Ah, c'est merde, ça c'est cool ça. On peut envoyer un petit. Extrait d'Atayaba? Pourquoi pas Minéis? Ah, ça se discute dans le studio, hein. Bip, Soumar. Moi, je suis chaud pour Minéis parce que Vénus, ça a tourné beaucoup ici, mais Minéis, les gens connaissent pas trop. Donc, j'ai bien envoyé Minéis. Eh ben, on le balance. Ah, vous l'avez déjà vu? On le balance. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock, c'est extrait d'Atayaba. Lundi je roule avec ma AK. Lundi je roule avec ma AK. Et c'est que j'ai le gris-gris, j'ai la baraka. Et c'est que j'ai le gris-gris, j'ai la baraka. Mardi je roule avec 357. Mardi je roule avec 357. Ma princesse peut te mettre une balle en pleine tête. Ma princesse peut te mettre une balle en pleine tête. Elle fait boire chichi quand je veux qu'elle shoot, elle shoot. Quand je veux faire du sale, elle enlève tout. Renoir, tu veux les baiser, tu vas raquer. Mes bitches vont te ligoter sur ton canapé. Elle va aller sur ma bonne side. Faire des dragailles sur du left eye. Elle veut rider sur la west side. Sur du Alia ou du left eye. Quand je ride avec les gens, savent que je suis une menace, man. Comme Kane, on te rafale. Comme Kane, on fait nos barbecue. Comme Kane, comme Kane, une menace, man. Comme Kane, on te rafale. Comme Kane, on fait nos barbecue. Comme Kane, Mercredi, je suis avec ma PPK. Beretta, t'efface comme du Velleda. On voit des balles précises comme la Célessa. Elle vient pour te faire ta fête, pas pour faire des cadeaux. J'ai dit rendez-vous avec Uzi, c'est pas la même. Elle a de longues jambes, parfois elle me ramène sa jumelle. Silencieuse et timide, elle me fait des bisous en cachette. Peut pas se retenir quand j'appuie sur la gâchette. Elle fait pas de chichi quand je veux qu'elle shoot, elle shoot. Quand je veux faire du sale, elle enlève tout. Renoir, tu veux les baisers, tu vas raquer. Mes bits vont te ligoter sur ton canapé. Elle veut draguer sur la Westside. Faire des drive-by sur du left eye. Elle veut rider sur la Westside. Sur du Alia ou du left eye. Quand je ride avec les gens, savent que je suis une menace, man. Cocaine, on te rafale. Cocaine, on fait nos barbecues. Cocaine, non. Yeah, sont pour les barbecues. Sortez les bières. On fait nos barbecues comme Kane. Sortez les gazmer. Vendredi, je suis avec Fama. Vendredi, je suis avec Fama. Les week-ends, je suis avec Nina. Les week-ends, je suis avec Nina. Toutes mes pétas sont des canons, canons. Chargés perchés sur des talons. Je m'appelle Gilles comme il des X-Men. Donc mes mises sont toutes des missiles. Trop ridé dans cette jungle urbaine. J'en ai marre, je veux me vider la tête. Je crois que je vais choisir la plus belle et me tirer avec. Hashtag Joke sur Skyrock. Le Planète Rap avec Joke sur Skyrock entre 20h et 21h. Avant de te laisser partir en tournée, notamment soir du côté de Nantes, il y a Dossé qui est là. Bips, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Parce que là, on est prêts, Fred. Nous allons donc attaquer le live maintenant et peut-être même un new shit. Parce que peut-être j'ai vu beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup d'hashtags défiler. Continuez, depuis, hashtag depuis new shit, hashtag joke sur Skyrock. Et on va attaquer tout de suite ce live. On salue aussi DJ Azura qui était là toute la semaine. Azou qui a pris ses verres depuis le début de semaine, démon. Le pauvre. Mais qui m'a l'air d'aller mieux. Donc on peut attaquer maintenant ce live dans Planète Rap. Shit. Yeah, yeah, yeah. La chata. La chata. Le con. Ok. Woo! Right. Yeah. Yeah. Big tête dans les toilettes. Big grosse comme une canette. Woo! L'état te brise la schneck à chaque paquet de cigarettes. Grosse liasse dans l'armoire, rien que je me fends la poire. Tes gars portent des signes homosexuels ostentatoires. Je te paye en liquide salope, dis-moi pourquoi faire un putain de pourboire. Pourquoi? Je suis togolais, allomé, je fais mes études à Poudlard. Ta mère la tchouin, ton père la tchouin. C'est en se branlant qu'on perd la main. Sors le machin, sors pas le truc. T'es une je viens, merde, donc parle huc. J'ai trouvé cette mexicaine, j'en ai perdu mon latin. L'avenir appartient à ce qu'ils vont quebra de bon matin. Tu peux me juger, mais y'a qu'au succès que je suis condamné. Les poches pleines si je t'aperçois, gros, je suis Gilbert Montagné. Faut que j'ouvre des business avec tous les pays frontaliers. Les négros se croient chauds, vont crever de combustion spontanée. Monnaie, chiffre, monnaie, monnaie, monnaie, chiffre. Cherche, pétasse, siliconé, échappe, comestible. On veut brasser comme les négros, des sports collectifs. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. La chata. Miley Cyrus. Yeah. Miley Cyrus. Yeah. Yeah. Miley Cyrus. La chata. Miley Cyrus. Yeah. Yeah. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Yeah. Miley Cyrus, yeah. La chata, Miley Cyrus. Dites bonjour aux messieurs, messieurs. 4 tonnes 5 sur les cieux. Bref. Ferme ton cas, vu ou fais mieux. J'baisse ta grosse tombe sous tes yeux. Totalement en caire. Pour mes mauvais garçons, mes mauvaises garces. Yeah. Tous les jours je pense argent, placement, paradis, fiscaux, monégasque. Oui, la France est une terre d'accueil. Yuri, coke, brésilienne, arme russe. J'veux du pif, ferme ta gueule. La chata, Miley Cyrus. Bref. Une blague à la place du mort, une brune et une blonde as sur l'arrière broquette. On ne sert que des avions de chasse. La grosse chatte inquiète blanchette. C'est négro pas, c'est négro pas. Mais c'est négro ne pèse rien. J'fais de la piraterie de haute voltige sur le réseau hertzien. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même débit. 45 Orleans MTP, folie furieuse à la ODP. Je les préfère quand elles assument leur côté bitches. Quand elles ont les seufs qui tapent sur mes abdos, comme s'ils avaient fait de bêtises. J'ai beaucoup, beaucoup trop de basse. Beaucoup, beaucoup trop de promos. Pèse le rap comme une tasque à base de gros coup, no homo. J'ai monnaie, chiffre, monnaie, chiffre. Cherche pétasse, fini, connais, échappe comestible. On veut brasser comme les négros d'espoir collectif. Monnaie, unique objectif. La chata. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ré. Miley Cyrus. La chata. Miley Cyrus. Je. Miley Cyrus. Je. Miley Cyrus. Miley Cyrus. La chata. Miley Cyrus. Perestroïka le 16 mars dans les bacs, nègre. Le 16 mars dans les cavus. Bref. Shit. On enchaîne sur Amidala, non? Ah oui, continuons un petit peu le live là. Ouais. Sans que tu sois bien chaud pour la tournée. C'est ça. Joke. 2015, mon nègre. Miley Cyrus avec Dossé à l'instant. Et on continue sur un autre morceau pour bien préparer cette tournée sur Skyrock. Tout ça, c'est sur Ateyaba Tour Part 2. Produit par mon Galek ni Freg. MTP. Dédicace à Blastar qui est dans le studio. Ré. C'est déjà dans les filets. Yeah. Aga. Right. Le prince m'a genou à Midala. Je rentre dans ton libolo en Lingala. La vie c'est une pute, négro, paie-moi là. Dans ma tête, y'a des gens qui se baladent. Elle est en sachet, elle est inhalable. Nous, on te vend la trace qui te fiche la face. On te fume à la chasse, on te pique ta place. Fille la maille avant que ta famille ramasse. Qui quiere comer comme te yamas. Je sers mon parole et dis Dallas. Je tape mon gros cul comme une piñata. J'ai plus de mojo que Frank Sinatra. Tu vends pas ton skate, même au prix d'achat. J'arrive dans ta gueule comme un petit crachat. T'en vas te faire sucer par un piranha. Des affiches partout, on m'acquipe, on a mis casse à tout casse. La vie se limite à sa cige, j'assassine tout dans la bassine. Elle remplit la balle, rien n'égale, ni classé, ni classa. Dans le coup de Nathalie Baye. Viens faire un câlin à l'animal. Que des sales joints dans le calepin. Je rentre beaucoup, je déclare rien sur les nerfs. Aga. Hashtag joke sur Skyrock. Aga. Aux yeux de ces nègres, je suis comme Tesla. Où tu comptes aller avec ces fesses-là? J'ai déjà passé là où tu seras. Tu la suces pas, sache que notre piste la sucera. Horlogerie suisse à mon poignet. Pulcra à mes airs. Vaut mieux être bien calibré que mal accompagné. Quand tu m'aperçois, garde la bouche fermée, nègue. Internet va tous nous faire interner, nègue. Passe-moi ta biche, passe-moi ton blé, nègue. J'ai les couilles vides et pas me combler, nègue. Prête allégeance quand je rentre dans ta contrée, nègue. Poudre sous le nez, je suis genouné, nègue. Fossé sous pour tout, mes nègue. Gros gamos pour doubler, nègue. Osiris dans orifice auditif. Intouchable comme une séropositive. Je pisse sur vos lois, sur votre politique. Donc j'ai toutes mes facultés cognitives. Mais on sait dire que l'espace est liquide. Sa descendance dit que mon organe est rigide. Marianne, je l'attrape, je la coupe en deux. Même si elle est une indivisible, négro. On balance une new shit ou quoi, négro? On balance, frère, on voit ça. New shit en exclu. Y'a pas le titre. Mais y'a le son. Yeah. Joke sur Skyrock. Négro arrête. Négro arrête. Négro arrête. Wow. Négro arrête. Yeah. Yeah. Yeah. J'arrive fusée sur l'épaule, tire comme Teddy Riner. Merde. Débarque pour niquer ta chatte, nique les préliminaires. Nique. Négro se fâchère, négro téléminaire. Les mots les plus éclatants émanent de la ville lumière. Les ondes astrales apportent un mojo caniculaire. Avènement d'Osiris et d'Isis. J'ai la mine relaxée, l'esprit patibulaire. Des trois coups d'œil et t'as la chatte qui glisse. Exclu Planète Rap. Je m'en bats les yeux courts. Je vois l'Amérique qui me fait les yeux doux. De société, nique la société. Quiconque veut bloquer l'accès à la propriété. Le rap, leur vie, je m'en bats les yeux courts. Je te mets un doigt dans le cul, je t'embrasse dans le cou. Négro, moi je veux brûler la vie, parle debout. Négro, j'agis à suivre, laisse parler debout. Ok, ça s'arrête là. C'est tout? C'est tout, frère. Ouais, j'étais parti dedans. Hein. Ah ouais, t'étais chaud? Dossé, franchement. C'était archi chaud. Pour la nocturne, la prochaine fois. Ok.

3 avril à Morlaix, le 29 avril au Printemps de Bourges, 5 mai à Lille et le 30 mai à Toulouse. C'est ça, tout date qui arrive. Et puis 2015, on attend peut-être un nouveau projet pour toi, Joke. Si Dieu veut. On verra. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas pendant cette semaine. Merci à toi, merci à tous mes gens. On a été entêtés tous les soirs, donc merci à vous. Sacrée base de supporters. Hein. Ouais. Merci, et juste avant de se dire au revoir avec Dossé aussi, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la superstar US, Nicki Minaj, en concert avec ta radio préférée. La roulette qui tourne avec Sarah, salut Sarah. Salut, bonsoir à tous. Salut, bienvenue, salut, t'habites Fred. Où? T'habites où, Sarah? À Saint-Avold. Pardon? À Saint-Avold, près de Metz. Ah, du côté de Metz, très bien. Ça va ou quoi? Ça va, je te présente Joke, Dossé. Salut Joke, wow, salut. C'est vraiment un honneur. Mon petit frère, il arrête pas de me parler de toi depuis des années. Ah ouais? Et il va être jaloux. Ah ouais, il va être jaloux. Ah, il va être énervé, ça. Hein. Il est pas là? Il va avoir la rage. Mm. Si, il est à côté de moi là et franchement, il est sur les nerfs là. Il a les nerfs là. Il passe le bonjour. Il passe le ciao. Et bah avec lui vous allez faire tourner la roulette et me dire un joli stop, c'est parti, on y va? Ouais, pas de soucis. Allez, il s'appelle comment le frangin? Adrien. Adrien et Sarah pour faire tourner la roulette, c'est parti. 3, 2, 1. Stop. tout discret Adrien. Et bah voilà, la roulette qui s'arrête pour toi sur Nicki Minaj, 24 ou 25 mars au Zénith de Paris. Super, wow, merci. C'est merci pour toi, Sarah, et peut-être pour le frangin aussi, Adrien. Wow, ça défonce, franchement, merci à toute l'équipe et la classe. Et bah merci à toi, on te fait plein de bisous, passe une bonne soirée, Sarah. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Passe un bon week-end, c'est aussi les vacances pour certains, donc bonnes vacances à vous tous. Merci à Joke Dossé. Yep. On se retrouve bientôt sur Skyrock. On se retrouve bientôt pour le Planet Rap Perestroïka. Ouais. Qui aura lieu le 16 mars, c'est bien ça? C'est normalement la semaine de sortie. La semaine de sortie, ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. La semaine du 16 mars. Enfin! Enfin! Hein, ça y est! On y est arrivé! Ça y est! On y est! Et ben on attend ça avec impatience en tout cas. Et je voulais juste dire un petit big up. Ouais, un petit big up vite fait aux gars de la fabrique qui sont dans la salle. Et puis big up à Footside. Voilà. Et on t'attend donc pour le 16 mars avec Perestroïka. Yes. Merci Joke, merci Bibs, merci Azura, merci à Oumar qui était là aussi. Merci à toi. Et tous ceux qui sont passés. On va retrouver D-Fool maintenant, c'est l'heure de la Radio Libre sur Skyrock. Et oui Fredo, allez, c'est parti pour la Radio Libre jusqu'à minuit. Ciao. Bonjour à tous. Bonsoir. Quelle arrivée fracassante. C'est parti jusqu'à minuit, c'est la Radio Libre. Attends, il t'entend pas parce qu'il t'entend pas, il parle. Ah oui. On parle les uns sur les autres. Allez Fred, je suis installé. Ah non, mais je disais, quelle arrivée fracassante. Ah ouais, il est arrivé pile poil. On appelle ça une arrivée de folie. Oui, au top. Pour bien démarrer le week-end, les vacances pour certains, la poursuite des vacances pour les autres. Est-ce que je peux ajouter que c'est Axel de Tournant qui repart avec le pack casino de Joke? Eh bien non, Fredo. Eh bien trop tard. Non, mais je l'avais pas dit, donc voilà. Axel, bravo à toi. Et la semaine prochaine, dans Planète Rap, attention, il est là. 5-9, il sera là, c'est monsieur Gradur. C'est lui? Oui. Eh ouais. Yeah. Lui, la semaine prochaine, Gradur le Bobob. Et l'album est incroyable. Hein. Ah, tu l'as écouté déjà? Ouais, j'ai écouté hier, franchement, l'album défonce. Bon. On attend ça. Je ne vous en dis pas plus. Eh ouais, suspense. C'est ça. Lundi soir, on en saura plus. 20h, 21h. Une semaine Gradur sur Skyrock. Une semaine à pas louper. Une de plus sur Sky. Mm. Donc restez bien dans le coin. Minuit tout à l'heure, la nocturne de Planète Rap. Yes. Avec un gars qui vient de 7 qui s'appelle Demi-Portion pour la première heure. Et puis après, du son rap français. Voilà. Demi-Portion. Donc de 7 ans. Tu restes dans la région, tu restes dans le 34. Ouais, on reste dans le 34. Ouais. Avec Joke du 34. Et bien 7 à l'honneur ce soir dans la nocturne et dans un instant. Attention, il arrive. C'est Black M qu'on va retrouver avec son clip qui est sorti. Il nous en parlait cette semaine dans la Radio Libre. Ouais. On l'a vu au téléphone, Black M. Pour annoncer ça, oui. Tu l'as vu le clip, Fredo? Non, pas encore, mais je vais aller mater. Fredo, enfin. Alors? Enfin. Bah, je vais mater pendant la pub. Enfin, mais Fredo, je vais mater pendant la pub juste avant de vous retrouver. Voilà, et après, tu pourras l'écouter sur Skyrock en stéréo. Aussi. Allez, c'est parti, on y va. Jusqu'à minuit sur Skyrock. C'est Radio Libre. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20 dès que vous voulez. Dès que vous avez besoin de nous, maintenant, par exemple, allez-y, profitez. Vous avez de la chance parce que Marie est déjà avec ses téléphones. Ouais, c'est ça. Donc, oui, j'en ai plusieurs. J'en profiterai. 01 53 40 30 20. On salue tous ceux qui ont passé l'heure sur Planète Rap, sur le 41 759, l'appli Skyrock, tous les réseaux de Sky. Vous laissez vos messages, allez-y. Et nous on arrive dans un instant. Et Fredo on te donne rendez-vous juste après. À toutes. À minuit. À toutes. Ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.